Exercice 3, page 20. A. Il est danois. Transformer. Elle est danoise. B. Il est maltais. Transformer. Elle est maltaise. C. Il est allemand. Transformer. Elle est allemande. D. Elle est béninoise. Transformer. Il est béninois. E. Elle est albanaise. Transformer. Il est albanais. F. Elle est espagnole. Transformer. Il est espagnol.